Tu es au bon endroit, tu es sur Radio Gémozo 107 FM et tu peux également nous écouter bien sur les applis Orange Radio ou Radio Line. C'est gratuit, simple et c'est surtout efficace. Je suis Lia et tu es le bienvenu dans ma bulle pour voyager du côté obscur aujourd'hui. Il est temps pour que tu puisses comprendre et voir plus clair d'accueillir mon invité, Lambert, de l'équipe du Manoir Maudit situé à Laval-sur-Vologne. Alors je cite, le Manoir Maudit est un lieu unique en son genre, un Eldorado pour les amateurs de sensations fortes. Et d'ailleurs, l'équipe du Manoir Maudit vous fait gagner des places modalités à arriver à suivre sur notre page internet. Lambert, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, très bien. La forme, la pêche, tout ça. Eh ben, c'est super. Je suis ravie de voyager avec toi et nos auditeurs aujourd'hui. Alors, on devait se rencontrer il y a quelques mois, mais crise sanitaire oblige. On a dû reporter. Alors, du coup, je rebondis comme ça, ce sera fait, parce que j'imagine que cette question est plus que revient de tout le temps, j'imagine. Comment s'est passé ce confinement pour l'équipe du Manoir Maudit ? Alors. Dans un sens, on a minimisé vraiment. Le confinement nous a permis justement de mieux rebondir et de préparer justement l'avenir, l'après-confinement, puisqu'on n'avait vraiment qu'une hâte, c'était retrouver à nouveau les visiteurs qui nous avaient vraiment tant manqué. Imagine. Donc ça nous a permis justement de développer des nouvelles thématiques, de chercher des nouvelles idées. Et donc voilà, on n'est pas resté en tout cas inactif. On a toujours essayé de faire des brainstorming et de réfléchir. Confinement créatif. Tout à fait, oui. Voilà. En visio, en... Non. Non. En vrai, voilà. C'est mieux. Alors je cite encore, le Manoir Maudit vous invite à plonger dans cette immense maison hantée interactive de plus de 1000 mètres carrés, la seule en France à disposer à la fois d'un café-restaurant et d'une boutique, etc. Une équipe d'acteurs expérimentés, maquillés et costumés comme les personnages des meilleurs films d'horreur entraîne les visiteurs dans un tourbillon de frayeur. Waouh, quand même. Oui, faut être accroché. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'était proposer justement quelque chose d'assez sympa et unique et surtout ouvert toute l'année. Et donc, oui. Chose assez rare justement et ça permet justement de jongler avec les différentes thématiques. Noël, carnaval, Halloween bien sûr, qui est la saison, bientôt, on va dire, oui. Phare du Manoir Maudit. Donc du coup, en fait, ça permet toujours d'apporter des animations variées et aucune redondance pour les visiteurs qui veulent venir à l'année venir nous voir. Génial. Genre une Saint-Valentin à la mairie. Alors oui, ça oui, doit être génial. Effectivement, on a eu une Saint-Valentin cette année. Alors pour vous situer un petit peu l'univers, on avait justement un Cupidon qui était un petit peu, on va dire, pas forcément bodybuildé comme on l'imagine, mais en tout cas qui tirait des flèches sur les gens. Et l'attraction, en fait, on l'avait fait sous forme de jeu. Justement, les gens venaient se tester, découvrir peut-être l'âme sœur au manoir, parce qu'on dit souvent que le frisson, la peur rapproche les gens. C'est vrai, parce que on s'accroche sur le voisin. On a toujours tendance à s'accrocher à son voisin ou sa voisine. Donc ça peut créer des liens. Oui, tout à fait. Et donc du coup, ou alors tester les couples qui étaient venus nous voir. Donc toujours avec un petit côté décalé. Donc voilà. Incroyable. Tu vas nous expliquer d'où te viennent toutes ces idées à toi et à ton équipe. Alors déjà, comment est né ce projet de Manoir Hanté ? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée et depuis quand il existe ? Alors non, j'ai pas eu l'idée du Manoir Maudit. Personnellement, j'ai rejoint l'équipe en janvier dernier. Le Manoir Maudit existait depuis l'année dernière. Donc il a ouvert fin juin, donc début juillet 2019. Donc voilà, en fait, pour situer, le Manoir Maudit est construit dans une ancienne maison de maître, donc à Laval-sur-Vologne. Oui. Donc c'est un bâtiment sur 3 étages qui a été totalement restauré, totalement remis aux normes, et en gardant quand même son petit cachet d'époque. Donc pour ceux qui adorent l'urbex, c'était un lieu qui avait été découvert. Donc j'ai plus le nom exact en tête du site, mais donc du coup on peut retrouver encore sur YouTube des vidéos de l'avant. Génial. Et donc il y a eu un immense travail qui a été fait donc par la famille qui a qui a créé justement le manoir maudit. Et donc depuis justement, on a rajouté donc des des nouveaux décors, des effets numériques avec des télévisions, des vidéoprojecteurs, des automates, du mobilier, des choses qui viennent des États-Unis justement pour compléter et montrer quelque chose quand même de qualitatif. Donc voilà. Quel programme. D'accord. Donc il existe depuis, enfin toutes ces animations là présentées, elles existent depuis combien de temps? Enfin, j'imagine déjà que vous en changez tout le temps par rapport au thème, oui, etc. C'est ça. En fait, depuis l'année dernière, on a un spectacle permanent qu'on appelle le spectacle expérience. Donc, hors période spéciale comme Halloween, Noël, etc. Donc, les gens peuvent découvrir l'histoire du manoir. Donc, c'est un manoir en fait où on explique qu'il y a eu une curieuse expérience avec le docteur M qui aurait mené une petite expérience sur la vie éternelle, bien sûr, qui attire toutes les convoitises. Et bien sûr, l'expérience ne s'est pas tournée comme prévu, donc voilà, c'est ce que vont découvrir les visiteurs donc au manoir. Donc ça, c'est un petit peu notre fil conducteur. Okay. Et donc à chaque fois, selon les périodes, on agrémente de nouveaux effets, on change légèrement les scénarios pour ne jamais vraiment se reposer sur nos acquis, quoi. Proposer toujours quelque chose de différent. Bah oui, ça c'est important pour les gens qui viennent, pour pas qu'ils se lassent. Mais j'imagine quand même que ça doit être un petit peu difficile de se lasser quand on vient au manoir maudit. C'est ça, oui. Mais on a quand même des fans, hein. En fait, on propose justement des passes à l'année pour les personnes qui viennent nous voir et on se rend compte que justement, il y a des personnes qui sont très très fidèles, qui étaient là vraiment dès le début en tant que visiteurs. Et on a même, pour la petite anecdote, justement, des visiteurs qui étaient très très très assidus et qui sont devenus eux-mêmes acteurs cette année. C'est génial. Ils connaissaient tellement bien les parcours, les effets que justement, voilà, ils nous ont aidés et donc ça devient vraiment une grande famille de l'horreur. Dis donc. Donc on l'a dit au début, hein, c'est le seul endroit comme ça en France. Est-ce qu'il y a du public qui vient d'ailleurs que les Vosges de, Alors oui, on a eu une agréable surprise cet été, sur juillet-août en fait. Il y a énormément de Néerlandais qui viennent passer leurs vacances dans les Hauts-de-Vosges, dans les Vosges, Gérardmer. Et donc du coup, justement, on les a rencontrés, ils sont venus au Manoir Maudit. Donc du coup, ça a été justement un défi supplémentaire pour nous, parce qu'il a fallu en fait s'internationaliser. Adapter un petit peu les scénarios avec quelques phrases, en tout cas en anglais, en allemand. Pour nous, c'était totalement nouveau, donc c'est pareil, il a fallu se remettre en question, essayer de travailler là-dessus. Donc je pense qu'on est en bonne voie. Et oui, ça s'annonce que du bon pour l'avenir, oui. Mais c'est un travail monumental quand même de mettre tout ça en place. Qui travaille par exemple les scénarios? Alors justement, donc la famille qui gère donc le manoir maudit, moi et d'autres personnes, voilà, on bosse vraiment en petit comité justement sur les thématiques. On voit un peu les personnages qu'on va mettre, les costumes, quelles sont les interactions qu'ils vont avoir. Donc voilà, c'est une petite équipe, mais une équipe soudée justement qui main dans la main arrive à faire des choses sympas. Est-ce que vous puisez votre inspiration je sais pas. Alors oui, effectivement, parfois. L'inspiration vient un petit peu de tout, de l'univers cinématographique, des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de plateau, etc. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui nous booste, qui nous aide à trouver des idées assez sympas. Après, il faut les concrétiser. Mm-hmm. Donc soit on y va directement au feeling en prenant quelques bouts de bois et on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Soit on passe sur papier, on essaie de dessiner pour mieux se projeter, avoir une vue d'ensemble sur les futurs travaux à faire. Super. Est-ce que toi, tu participes en tant qu'acteur? Des fois, est-ce que tu te déguises pour faire peur aux gens? Ah, alors ça, c'est vraiment un kiff, on va dire. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Autant bosser dans l'ombre, justement, pour créer le frisson, c'est très intéressant. Et autant bosser aussi en tant qu'acteur, c'est vraiment un régal. Puisque, justement, c'est la concrétisation, en fait. Tous ces petits éléments, le son, les décors, les effets spéciaux, tout ça mis bout à bout, en fait, se concrétise avec le jeu d'acteur qu'on va mettre. Et c'est ça qui va lier tous ces éléments, et à partir du moment où on entend les premiers cris, on se dit ah, ça y est, ça fait plaisir, c'est le taf a été fait correctement, donc c'est cool. Toi, à la base, tu es magicien. Est-ce que tu le fais encore d'ailleurs? Alors on a fait quelques soirées à thème, puisque en fait le Manoir Maudit a un café-restaurant thématique où les gens sont plongés dans une ambiance un petit peu baroque, comme s'ils étaient vraiment dans un Cluedo géant, donc ça génial. C'est cool. Et donc justement, selon les périodes, on fait des soirées blind test, des soirées mentalisme, des soirées initiation Ouija. Donc effectivement, il y a eu une part de magie aussi. Voilà. Parce que c'est quand même un petit peu éloigné, la magie ça fait rêver, et là ça fait plutôt peur. Oui. T'aimes bien jouer sur ces... Oui, bah justement, c'est toujours surprendre un petit peu le visiteur là où il ne nous attend pas, donc voilà. Bah c'est réussi. En ce moment, j'imagine que vous êtes en plein rush donc, pour Halloween. Hein. On en parle tout de suite après cette première bulle de son. J'ai choisi un univers étrange, celui du groupe Ezekiel. Tu connais ? Alors, pas de nom. Tu verras. Je vais bien écouter attentivement. Ouais, tu verras. C'est en live avec leur titre L'œil du cyclone. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. est posée. Nous sommes avec Lambert et nous allons parler maintenant de ce que l'équipe du Manoir Maudit vous prépare pour cette Halloween 2020. Est-ce que tu as aimé le son déjà? Alors oui, j'ai bien aimé. Et c'était très atmosphérique, j'ai trouvé. Ça. Ouais. Ça pose l'ambiance. Il y a tout un univers derrière assez sympa. Ouais, ouais. Ça laisse parler l'imagination en plus. Ouais. Alors à toi Lambert pour nous dire ce que toute ton équipe prépare. Enfin, ce que l'équipe du Manoir Maudit prépare. Ouais. Alors justement, l'équipe du Manoir Maudit s'active sur les préparatifs d'Halloween. Donc Halloween étant la plus grosse saison justement de l'année. Donc Covid oblige, justement, on a fait quelques petites restrictions, mais en tout cas ça va pas changer à la qualité de ce qu'on va proposer cette année. Donc on a deux attractions. À l'intérieur, on aura Blood Lake Saloon où les gens vont être plongés dans un saloon avec des personnages, on va dire quelque peu. Enfin voilà, ils seront pas très commodes avec les visiteurs. Mais donc avec toute une storyline, toute une histoire, des décors assez soignés, etc. Mmh. En extérieur, on va avoir l'attraction Deadmin, où les gens vont rentrer dans un espèce de village western fantôme. Donc là, il y a une partie un petit peu dans la forêt, mais avec tout un tas de cabanons donc, qui ont été construits spécialement pour l'occasion. Donc ça, c'est pour le soir. Et petit aparté, en fait, l'après-midi, pour les plus jeunes, on aura également un petit parc à énigmes où les enfants vont pouvoir répondre à des questions, des jeux d'adresse, etc. C'est génial que ça puisse aussi s'adresser aux enfants, parce que j'imagine que pour les soirées et pour les attractions... C'est ça. Malheureusement, le soir, on conseille à partir de 2 ans accompagnés. Donc on s'était dit, voilà, les familles avec les plus jeunes peuvent venir quand même l'après-midi. Super. Se faire leur première frayeur. Quoi, super, voilà. Ils testent leurs limites comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, pour compléter, le soir on a des fast escape games également. Donc fast, rapide forcément, ouais. Donc c'est des escape games très rapides, mais où les gens vont avoir un petit coup de boost avec l'interaction d'un acteur qui vont aller avec. Donc ces escape games seront thématisés dans la même lignée que le reste, donc sur la thématique western horreur globale de cette année. Et on aura 2 points de restauration, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc toujours avec des dégustations un petit peu orienté justement cowboy western, une décoration vraiment saloon, des musiques saloon. Donc vraiment les gens seront dans une ambiance assez sympathique et donc voilà pour les animations. Super, c'est bien aussi que ça puisse se faire en intérieur et en extérieur. Ça amène 2 atmosphères complètement différentes et ça c'est chouette. Oui, et puis pareil aussi en cas d'intempérie, au moins voilà, ça laisse le plaisir de faire des activités au sec, voilà. Super. En ce qui concerne l'alimentation, est-ce que vous faites appel à... C'est l'équipe du manoir qui s'en occupe? C'est ça. Ouais. C'est en interne, justement. C'est du fait maison. C'est avec des produits frais. Donc voilà, il va y avoir des cocktails, des boissons spéciales. Donc un menu... alors de tête, je ne l'ai pas, mais en tout cas, sur le site du Manoir Maudit, vous pourrez le retrouver. Tout à fait. Et donc voilà. Puis après, si vous voulez tester un petit peu vos limites à manger des petits grillons, des verres, des choses comme ça, vous pouvez même. Donc c'est assez sympathique, voilà. Super. Et il me semble aussi que cette année il y a un concours pour Halloween make-up. Oui, ouais. Oui. Ouf, donc, j'ai cru que j'avais fait une boulette. Non, c'est toujours d'actualité, effectivement. Donc, pour les maquilleurs en herbe, les amateurs, les cosplayers, par exemple, toutes les personnes qui pensent avoir un talent caché, on leur propose de faire un petit maquillage et faire une photo avant-après. Et du coup, voilà, on va jouer avec les visiteurs qui nous auront proposé leurs photos. On fera un petit tirage au sort et ça leur permettra de gagner plein de jolies choses donc pour Halloween au Manoir Maudit. Bah super, n'hésitez pas à suivre la page Facebook et sur le site internet. De toute façon, on vous redira tout ça à la fin de cette émission. Une saison comme Halloween pour le Manoir Maudit, ça se prépare en combien de temps? Alors là, pour tout se dire, à partir de début janvier 2020, on y songeait déjà. Les thèmes ont été réfléchis à partir de janvier. Et là, après, c'est un fil conducteur entre chaque semaine, entre deux bricoles, etc. On continue à bosser sur le thème. Donc oui, c'est quand même assez longtemps à l'avance. Et pareil, pendant Halloween, on sera vraiment dans les préparatifs de Noël. Donc tout s'enchevêtre. Donc on n'essaie pas de perdre le fil, en tout cas, mais il y a toujours quelque chose à faire, donc au moins on s'ennuie vraiment pas en interne et c'est un vrai régal, quoi. Mais j'imagine, et toi vraiment quel est ton rôle au sein du Manoir Maudit du coup? Alors moi on va dire que je m'occupe un petit peu de la communication, je fais aussi l'acteur certains soirs, donc par contre je garde la surprise de l'endroit exact pour ne pas qu'on me retrouve si facilement. Ouais, mais tu fais peur quand t'es déguisé, hein. et puis donc du coup voilà quoi, je gère avec l'équipe du Manoir Maudit également les futurs thèmes, les créations graphiques et puis les créations sonores également, les bandes son qu'on peut retrouver dans toutes les attractions. Et les décors, qui s'en occupe ? Alors un petit peu tout le monde également, donc la famille. Donc pour les citer, on a Yann, on a Christelle, on a Christian, on a Christiane, on a Jonathan qui est acteur qui donne un super coup de main. On a d'autres acteurs qui viennent nous donner un renfort. Et donc voilà quoi, main dans la main, on y arrive petit à petit. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et voilà, on est bientôt à quelques semaines, quelques jours d'Halloween et oui, donc c'est génial. Voilà. Parce que toi, tu sais très très bien faire les décors, il me semble. Oh, je vais pas, j'aime pas trop me vanter, mais oui, effectivement, voilà, c'est un peu ton dada. Ce que j'aime, voilà, c'est la création d'univers, des décors de paillettes ou des décors d'horreur. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, les construire et après les mettre en scène dans des spectacles, dans des attractions horrifiques, oui. Et ça devient d'où cet amour pour l'horreur? Est-ce qu'un jour, toi aussi, en tant qu'enfant, tu as pu tester tes limites, te faire frissonner et tu t'es dit, Ça me fait bien kiffer. Oui, bah en fait, quand j'étais gamin, puis même à l'heure actuelle, en fait, j'étais vraiment trouillard. Ah oui. Et c'était en fait pour conjurer, on va dire, le mauvais sort que de faire peur aux autres. Et c'était toujours ça, soit faire des caméras cachées, soit pour amuser la galerie. Au final, c'était faire du divertissement pour les autres. C'est ça qui me bottait. J'ai eu l'occasion, à travers énormément de voyages, de faire des maisons hantées, que ça soit en Amérique, que ça soit en Europe ou même en France. Et même à l'heure actuelle, quand je vais voir des confrères qui font des choses sensiblement pareilles, je prends un pied énorme. Et donc voilà, mon but, c'était pas du tout de copier, c'était vraiment voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs pour ne pas faire la même chose et apporter ma propre vision des choses. Et donc voilà, comme on est une petite équipe, on en parle tous, ils ont leurs idées, j'ai mes idées, on met tout, on va dire, dans un saladier, on mélange tout et on essaie de tirer le meilleur des idées de chacun pour aller de l'avant. Oui, puis c'est important aussi d'ouvrir un petit peu ses portes, de pas rester que dans sa bulle et puis voilà, de regarder ce qui se fait ailleurs. Enfin, c'est très important, c'est enrichissant et c'est pas du tout bien sûr pour copier. C'est ça, il y a pas d'espionnage industriel ni quoi que ce soit. Et mais justement, c'est ça qui est bien parce que ça mélange énormément de corps de métier. Il y a la partie, par exemple, éclairage qui est très important. On a beau avoir des super décors, si on n'arrive pas bien à les mettre en lumière, ça va être un petit peu compliqué. Après, il va avoir le jeu d'acteur qui va être primordial, il va avoir les costumes. Donc du coup, il y a, par exemple, on fait un petit coucou à Irène Oscar, donc qui est l'une des mascottes aussi du Manoir Maudit, qui a des talents, on va dire, de couturière. Et donc du coup, bah, c'est elle qui va plus s'occuper des décors. On en a un autre qui est plus orienté coaching acteur. Donc chacun a en gros a son petit univers et voilà. Quelle équipe, en tout cas on les salue tous et on leur tire notre chapeau, voilà. Jour et horaire d'ouverture pour cette édition Halloween 2020. Alors on ouvre les portes à 18h30 et on va les fermer à minuit. Donc du coup par rapport au Covid, on propose aux visiteurs de réserver pour l'attraction principale. Donc un petit exemple, s'ils réservent pour 21h, on leur demande de venir pour 21h pour éviter justement que les gens se croisent, qu'il y ait un chassé-croisé, et ça permettra de fluidifier l'ensemble et de ne pas avoir trop de temps d'attente. Ok. Voilà. On réserve sur le site ? Oui, réservation obligatoire, pas de billetterie sur place, oui. Ok, super. Écoute, on va se lancer dans une deuxième bulle de son. Alors, cette fois-ci, eh bien, ça sera un univers complètement différent. Peut-être que tu vas reconnaître. Je dis rien, allez. On va lancer une surprise. Énigme. Surprise. Et on se retrouve juste après. Trapping bait. When he comes a snipping, we will snap the trap and close the gate. Wait, I've got a better plan! Vous êtes toujours avec nous sur le 107 FM. Vous pouvez également nous écouter, hein, je le répète, sur Orange Radio et Radio Line. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas nous écouter sur la FM, voilà, pensez à faire passer le message. On est toujours avec Lambert et on parle de ce fameux manoir maudit. Alors Lambert, est-ce que tu as reconnu mon petit son ? Oui. Donc, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. On fait un lien quand même avec la mascotte, hein, parce que tu m'en parlais en off. Oui. Alors, il y a une mascotte, hein, pour ce manoir maudit. C'est la mascotte de l'année ou ça sera la mascotte intemporelle ? Alors, intemporelle, on l'espère. En tout cas, on espère qu'elle va marquer les esprits. Donc, c'est un petit peu l'icône de cette année. On a d'autres icônes. Tout à l'heure, je parlais d'Irène et Oscar, son mari. Donc, Irène étant la gouvernante du manoir maudit. D'accord. Là, il nous fallait également un autre emblème. Donc, c'est Corvus. D'accord. Donc, Corvus, voilà, c'est un mot dérivé du latin. Donc, qui veut dire corbeau, hein, tout simplement. Rien de tel qu'un corbeau, justement, comme icône d'un vieux manoir. C'est vrai. Donc, sachant que les corbeaux sont toujours un peu annonciateurs de mauvaises nouvelles. Donc ça collait bien. Et effectivement, donc la musique un petit peu qu'on a entendue avait un lien avec cette mascotte. Puisque l'univers de Tim Burton est assez, justement, donne beaucoup, beaucoup d'idées. Oui. Et cet univers-là qui a donné un petit peu idée pour cette mascotte. Donc, cette mascotte est assez, on va dire, cartoonisée dans le sens où on a élargi et tiré les traits du personnage. Donc, ses mains, donc, ce personnage a des griffes de 30 cm, a un chapeau surdimensionné, etc. Donc, il y a un univers assez Tim Burton dessus. Donc, génial. Donc, ouais. Comment ça a été créé ce personnage est-ce qu'il est maquillé ? Est-ce qu'il y a des voilà ? Qu'est-ce qui lui a été apporté pour qu'il... Ah, il est très secret. C'est un personnage très mystérieux, justement, qui sort que les nuits de pleine lune et qui se nourrit des yeux des visiteurs. Donc ça, c'est ce qu'on dit, hein, les bruits de couloir. Mais voilà, en vérité, pour la partie création, justement, bah, c'est plusieurs éléments qui viennent d'un petit peu partout. Le costume a été confectionné par l'équipe du Manoir Maudit. Pour le visuel de la tête, c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Oui. Donc une société qui bosse sur de grands films d'horreur et donc qui font des prothèses et des masques en silicone. Oh, génial. Donc ça vient de là-bas. Et les mains, justement, c'est des mains qui viennent d'Australie. C'est un créateur qui... Alors pour la petite histoire aussi, si... Alors ça n'a rien à voir, mais... Lady Gaga, sur sa toute dernière tournée, annonce fièrement sur sa pochette d'album, en fait, des mains articulées. Oui. Et le créateur des mains articulées de Lady Gaga, c'est exactement le créateur des mains de Corvus. Ah voilà. Oui, quand même. C'est un petit luxe qu'on s'est offert, donc. On se donne les moyens. Voilà. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, j'ai adapté ma musique, hein, aujourd'hui, ma playlist musicale pour cette émission. Comment ça se passe, les effets sonores au manoir ? Il doit y en avoir, j'imagine. Oui, il y en a. En fait, chaque pièce a son univers sonore. Alors, pour ne pas trop spoiler sur le parcours, on va dire classique, le parcours expérience, les gens vont rentrer en interaction avec différents personnages, par exemple un couturier, un médecin, etc. Donc, prenons l'exemple du couturier, par exemple, les gens vont entendre des bruits de vieilles machines à coudre d'antan, des sons un peu de parquet qui grince, etc. Mm-hmm. Donc voilà, en fait, pour que les gens soient vraiment bien immergés, s'ils passent dans une salle de bain, ils vont entendre des bruits de gouttes d'eau, de la condensation, des petits cris, etc. Donc c'est un petit peu de travail, mais ça permet vraiment de rendre l'immersion encore plus poussée, quoi. Voilà. Oui, j'imagine. Donc, on l'a dit, hein, tu as avec toi une équipe de professionnels, des acteurs notamment. Est-ce qu'ils sont tous professionnels, ces acteurs ? Alors, un petit peu, on va dire amateur et professionnel. Voilà, on a de tout. Donc, ils ont été coachés par l'équipe du manoir. Certains ont commencé donc l'année dernière. D'autres nous ont rejoints spécialement pour Halloween. Et donc, du coup, bah, à nous de leur enseigner justement les rudiments de l'horreur, comment faire peur, comment rentrer dans la zone, on va dire, de confort des visiteurs. On leur explique aussi comment porter des lentilles, comment être autonome sur le maquillage. Comment justement ne pas perdre ses moyens si un visiteur essaie de faire peur un acteur, parce que la plupart du temps, les gens, pour dédramatiser la situation, essaient de rigoler ou autre. Donc, à nous de rester bien sérieux dans le rôle pour montrer que voilà, on en impose que c'est nous qui faisons peur. Voilà. Donc, ils s'automaquillent Pour certains, oui, ils sont totalement autonomes sur le maquillage. Ouais. Parce que ça doit être quand même une part très importante. Le maquillage, oui. Alors, on a du maquillage, on a des masques, mais donc, c'est tout un tas d'artifices qui vient compléter le costume déjà existant et qui vient donner, on va dire, un petit coup de pouce au jeu d'acteur. J'avais entendu que certains de vos matériaux, hein, je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe, de prononciation en tout cas, étaient utilisés parfois dans l'émission Face Off, certains peuvent connaître peut-être. Oui, alors c'est notamment par rapport aux masques. Ouais. Comme Corvus, en fait, on a du matériel qui a été conçu par des Américains, des personnes qui ont participé à l'émission Face Off, d'autres courts métrages, des longs métrages, etc. C'est incroyable cette émission. Oui, c'est vraiment sympa. Ouais. Et donc, c'est un petit coup de pouce. Quand on peut pas se permettre de passer 3-4 heures de maquillage sur un personnage, on utilise plus des masques qui nous permettent d'avoir un gain de temps énorme. Oui. Et qui va pareil donner de la crédibilité à l'acteur qui va porter ce masque. Voilà. Waouh, super. En tout cas, on vous invite à aller frissonner pour Halloween. Au manoir, hein. J'imagine que toute l'équipe vous attendra avec un grand plaisir, dissimulé, mais avec un grand plaisir. Donc on l'a dit, hein, l'après-midi on peut venir avec ses enfants, le soir diverses animations pour les adultes. Moi j'ai hâte de voir ça quand même. Il y a des nouveautés en dehors donc de cet Halloween pour cette nouvelle saison au sein du Manoir Maudit. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Oui, bien sûr, oui. Donc cette année, depuis le déconfinement, justement, on a ouvert deux nouveaux escape games. Donc un escape game orienté vers les enfants, qui s'appelle La Gouvernante, et un escape game pour les adultes, qui s'appelle La Cellule 373. Mm-hmm. Donc du coup, deux escape games avec un troisième qui est en préparation, qui s'appelle The Butcher. Et donc, les enfants ont leur compte, les adultes également. Pas mal d'interactions, et surtout l'originalité de ces escape games, c'est qu'on interagit directement avec eux, avec un acteur présent dans la pièce. Génial. Donc, qui a le rôle, on va dire, de game master et qui est aussi là pour les faire un petit peu stresser, les mettre en condition, etc. Waouh. On peut venir en tant que parent avec nos enfants pour l'après-midi si on a un peu trop peur pour le soir. Oui, tout à fait. Et même pareil, voilà, ce qui est bien au Manoir Maudit, c'est que les gens qui ont un petit peu trop peur, leurs amis font le parcours et les autres attendent dans le manoir à siroter un cocktail, un verre, etc. Oui. On a aussi une petite boutique spécialisée, donc tous ceux qui aiment bien tout ce qui est un peu ésotérique, etc. Il y a toute une belle collection de pendules, de planches Ouija, de choses un petit peu sur l'univers du paranormal, de la sorcellerie, des goodies du Manoir Maudit. Donc il y a de quoi visiter également. Donc voilà, ça permet de passer une bonne petite soirée, même pour les plus trouillards d'entre nous. Voilà. Ouf. Il y a un parc à énigmes aussi. Oui. Alors pour les enfants, effectivement, les centres aérés, les familles nombreuses qui veulent nous rendre visite et avoir leur première frayeur, on leur propose du coup un parc à énigmes tous les jours d'ouverture, donc d'Halloween en après-midi, où ils vont avoir des questions à répondre, des petits jeux d'adresse à faire, toujours dans l'univers du western. Donc en gros, l'histoire pour Halloween, c'est donc un couple de cow-boys, la bien-aimée d'un cow-boy justement qui aimerait bien retrouver son cher époux enfermé à l'intérieur du manoir. Donc dans un premier temps, ils vont devoir retrouver la clé du manoir donc dans le parc à énigmes, et une fois à l'intérieur du manoir, ils vont devoir secourir leur chère et tendre. Donc voilà. Pas ça mal. C'est la thématique pour les enfants. Voilà. Il y a du boulot quand même, hein, il y a du boulot. Il y avait pas une histoire avec Sherlock Holmes à un moment? Alors Sherlock Holmes, effectivement, donc est un petit peu lié quand même à l'univers des escape games. Ouais. Et voilà, en fait les gens se mettre, on va dire, dans la peau d'un véritable détective. Donc voilà, par exemple, si je prends l'exemple de l'escape game Cellule 373, les gens tout simplement sont vraiment immergés dès le début, c'est-à-dire qu'ils vont être menottés, ils vont être les yeux bandés, ils vont arriver dans une pièce totalement noire et vont se réveiller au beau milieu de nulle part, donc dans une pièce, et là, voilà. Ils vont devoir résoudre des énigmes, ils vont devoir s'amuser à trouver déjà la sortie, puisqu'ils ont une heure, montre en main, pour pouvoir sortir de ce lieu. Waouh ! Et dis donc, Il y en a tellement à dire, mais il faut pas trop en dire parce que voilà, il faut que vous alliez absolument au manoir maudit pour découvrir tout cet univers. Donc on voit bien qu'on peut revenir plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis surtout les thèmes changent au fur et à mesure des événements de l'année, hein, comme oui, on l'a dit, Noël, etc. J'imagine Noël au manoir maudit, ça doit quand même être quelque chose. Oui, oui. Bah pour Noël, du coup, on a le spectacle Maléfique Noël. Donc là, justement, le Père Noël en avait marre de ses lutins, on va dire, traditionnels. Et il a engagé dans son équipe, justement, des tueurs en série qui vont s'occuper de faire des cadeaux aux enfants. Mais ça va être des cadeaux pour le moins bizarres, on va dire. Oh, voilà. On va garder également des créatures un petit peu mythiques, comme Krampus ou autres, qui vont venir également interagir avec ça. Donc, on garde la thématique, mais on change un petit peu le fond et la forme pour apporter, on va dire, un peu plus de noirceur au thème. Eh bien, voilà. Vous pouvez aller sur le site internet www.lemanoirmaudit.com et là, vous retrouverez eh bien, tout l'univers du manoir avec tous les événements et ce qui s'y passe. Et puis, pour les passes annuelles, c'est pareil, hein, ça se passe par là. Hein, si vous êtes vraiment conquis et que vous avez envie de revenir plusieurs fois à l'année, n'hésitez pas. Voilà. Hein, c'est toi qui t'occupes du site internet ? Alors encore une fois, c'est un travail d'équipe, hein, mais donc oui, on essaie. Voilà, on est un petit peu au four et au moulin. On essaie un petit peu de répondre le plus rapidement possible à toutes les interrogations de nos visiteurs. Donc voilà, tout est sur le site internet. Les réservations se font directement sur le site pour éviter un trop fort trafic directement sur place. Bien sûr. Encore une fois, lié au Covid. Tout à fait. Donc voilà. Avant d'entamer la troisième partie de cette émission, on arrive presque à la fin. Hein. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On va se lancer dans une troisième bulle de son, Soap and Skin avec Me and the Devil. Et on se retrouve juste après. On est toujours ensemble sur Radio Game Ozo et aujourd'hui, eh bien, vous l'avez compris, hein, on fait un tour vers la force obscure avec Lambert et le manoir maudit. Voilà, on vous invite bien sûr à aller découvrir leur univers. Alors, on peut aller aussi au manoir maudit pour des événements hein, tels que les anniversaires, même les anniversaires pour les enfants, ça c'est génial. Comment ça se passe quand on veut faire un événement là-bas? Est-ce que c'est privatisé? Est-ce que le décor est adapté? Ou est-ce qu'on a le droit de faire certaines animations? C'est quoi le principe? Alors effectivement, oui, justement, pour les enterrements de vie de jeune fille, de garçon, les anniversaires, on a tout un tas de formules où on met vraiment les gens en avant et on leur propose justement une expérience assez unique et originale au manoir maudit. Génial. Je prends l'exemple par exemple des anniversaires ou même des enterrements de vie de jeune fille, vie de garçon, on a le Monster Show, comme on appelle ça. Donc au final, en fait, on reprend un petit peu le concept justement du Chippendales qui va venir, qui va faire une petite danse pour la personne, sauf que comme au manoir maudit, tout est un petit peu décalé. On a un immense gâteau et à l'intérieur de ce gâteau, il n'y a pas un Chippendales. Il y a quelque chose d'autre bien plus tourmenté, bien plus maudit. On garde la surprise, pareil. Mais donc voilà, c'est l'une des animations qu'on propose pour marquer les gens. Et après, voilà, il y a tout un tas de personnalisation qui peut être fait pour les clients qui viennent nous voir. Oui. Super. Alors, il n'y a pas longtemps, je t'ai vu plutôt mal accompagné lors du festival international du film fantastique de Gérard May déambuler dans les allées pour promouvoir eh bien, les activités du manoir. Est-ce que tu envisages de refaire ça? Oui. Alors, justement, je rebondis sur le festival de Gérard May. Donc, on a vraiment la chance d'ailleurs d'avoir un super festival du film fantastique et d'horreur dans les Vosges. Ah oui. Et donc, on continue un petit peu ça. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice sur les manifestations vosgienne. Donc voilà, on a nos créatures qui étaient là à Gérard May. Maintenant, vrai. On a Corvus également qui va pouvoir visiter un petit peu tout. Corvus sort généralement la nuit, mais apparemment, depuis quelques semaines, on l'a aperçu sur différentes fêtes foraines dans les Vosges. Il a faim. J'entends, on me dit à l'oreillette qu'il y a bientôt la fête de la Saint-Maurice à Épinal, donc il risque de chercher de nouvelles victimes là-bas. Mon Dieu. Donc voilà, on risque de le voir un petit peu partout. Apporter un petit peu d'animation, prendre des photos avec les gens et apporter un petit peu de tourmente à ces gens-là pour les attirer, on va dire, incommensurablement vers le manoir maudit. Ah là là, mon Dieu, sacré Corvus. Alors, on rappelle que il existe une billetterie en ligne et d'ailleurs, c'est que par là qu'on peut passer pour acheter ses places parce que voilà, il y a pas de billetterie sur place. Il y a une page Facebook également. Hein? Oui, le manoir maudit Haunted Attraction, pour dire en anglais, donc sur Facebook. Et voilà, les gens peuvent nous suivre tout au long de l'année. De temps en temps, on fait des petits concours, comme là actuellement, le concours photo pour développer un petit peu sa créativité. Mm-hmm. Là, dernièrement, on s'amusait justement à parodier, on va dire, les règles sanitaires donc, du manoir maudit. Donc voilà, on propose un petit peu de voir l'envers du décor en montrant justement les créatures quelques heures avant l'arrivée des visiteurs en train de désinfecter les décors, de nettoyer les taches de sang par terre avec une serpillière, se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et nettoyer quand même tous les accessoires. Oui. Parce qu'il y a quand même une part de sérieux. Bien sûr. Pour garantir un petit peu tout, la distanciation sociale, les gestes barrières, etc. La sécurité de chacun. Et voilà, on parodie quand même parce que voilà, on sait qu'avec le Covid, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment l'oublier le plus rapidement possible, et c'est ce que je pense tout le monde veut. Mm-hmm. Le secteur de l'événementiel a vraiment été très touché. Donc voilà, nous on continue, the show must go on, comme on dit. Et donc voilà, mieux vaut en rire qu'en pleurer, et on continue les animations coûte que coûte, tout en étant en sécurité, en apportant de la sécurité aux visiteurs. Belle aparté, d'ailleurs on soutient hein, tout le milieu culturel, événementiel bien entendu. Force à tous, et voilà, j'espère qu'on va bientôt pouvoir passer au-dessus de tout ça. Alors sur le site internet, on peut y retrouver les horaires et les jours d'ouverture sur l'année. Ça ouvre quand et à quelle heure Alors tout au long de l'année, essentiellement les vendredis et samedis soirs. Donc les vendredis de 19h30 à 23h30 et samedi également. Après c'est sur réservation. Pendant les périodes scolaires, on peut même ouvrir en semaine, donc pour les escape games également. Donc voilà. Super. Vous pouvez également vous abonner à une newsletter depuis le site internet pour ne manquer aucune information, voilà, j'imagine. Tout à fait. C'est super. Il existe même des cartes cadeaux si vous voulez offrir à quelqu'un qui aime ce genre d'ambiance ou pas d'ailleurs. Voilà, même les belles-mères, même les personnes qu'on déteste le plus, vous pouvez nous les envoyer, on s'en occupera, il n'y a pas de souci. C'est génial. Merci beaucoup Lambert d'être venu aujourd'hui nous parler. Merci pour ton accueil, merci de m'avoir accueilli. C'est toujours avec grand plaisir, on embrasse toute l'équipe du Manoir Maudit et on vous souhaite plein de belles choses pour Halloween et pour toute l'année. Est-ce que tu avais un dernier mot, quelque chose? Non. Eh ben non, je pense que tout a été dit et donc on espère accueillir beaucoup de visiteurs pour Halloween et donc voilà, nous en tout cas de notre côté on est prêts, on est chaud. On attend qu'une seule chose, c'est entendre les tout premiers cris, donc voilà, c'est parti. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez manqué une partie de l'émission, surtout ne vous inquiétez pas, celle-ci sera podcastée et rediffusée ce vendredi à midi, voilà, pour les retardataires. Merci beaucoup Lambert. Encore une fois, un gros bisou à toute l'équipe et puis à nos auditeurs. On se retrouve très très vite. À bientôt.